Le nourrisson de la poupin. À Louis. 1. Tu l'as vu, car lorsqu'on afflige ou qu'on maltraite quelqu'un, tu regardes pour le mettre entre tes mains. Le troupeau des désolés se réfugie auprès de toi. Tu as aidé l'orphelin. Psaume 10, 14. La plaine s'étend au loin, mollement vallonnée, étalant ses champs hérissés de chaumes ou rayés de sillons bruns, ses prairies à l'herbe courte et jaunie, ces vignes où se tordent les ceps noirs. Sur la hauteur, à gauche, s'étage la ville lointaine, les Roches, station balnéaire recherchée l'été. Ces villes-là, les plus proches, se dressent éclatantes sous la lumière crue d'un beau jour de décembre. Un phare, mince colonne carrée rayée de rouge, une vieille église badigeonnée de blanc, servant d'amers et ressemblant à une gigantesque cocotte de papier, un moulin dont les ailes tournent, se détache de la masse confuse des maisons. Au vent salé qui fouette le visage, on devine la mer en face. On aperçoit même sa ligne bleue de lin étincelante, où passent des bateaux noirs et nets comme des ombres chinoises. Enfin, dégringolant le long de la côte à droite, le village du Val, l'église, dont la massive tour grise s'aperçoit à travers les ramures des arbres dépouillés. Assis sur le talus qui borde la route gelée et blanche, un garçonnet de 10 ans, les pieds nus dans des sabots bourrés de paille, vêtu de vieux habits trop étroits, taille un bâton avec un couteau ébréché. Les boucles dorées de ses cheveux s'amassent en auréole autour d'un béret bleu fané. De temps en temps, il interrompt sa besogne, lève un petit visage rond, fin et doux comme celui d'une fille, et promène autour de lui de grands yeux clairs, tristes et inquiets. À ses côtés, un chien l'abri, gravement étendu, deux de ses pattes réunies devant lui, surveille attentivement les allées et venues d'une couple de vaches qui broutent l'herbe rare du bord du fossé. Rien, rien sur la longue route. Les carrioles du boulanger et du boucher sont passées depuis longtemps. L'omnibus de midi, petite boîte carrée, noire et branlante, vient de disparaître au bas de la côte. Encore un grand vapeur qui s'en va là-bas, laissant sa traînée de fumée loin derrière lui. Mais l'enfant détourne la tête. Il ne veut plus regarder de ce côté. Cela lui fait trop de peine de les voir fuir l'un après l'autre, tous ces bateaux petits et grands, voiliers aux ailes déployées, palpitant sous la brise, comme ivres d'espoir, transatlantiques majestueux, sûrs d'eux-mêmes, maîtres de la mer, déchirant l'air de leurs sifflets joyeux et conquérants, envoyant de leur long panache gris comme un dernier adieu. Jamais aucun d'eux ne ralentira donc sa marche, ne s'arrêtera-t-il pas pour le prendre? Hélas, il est si petit et si faible, point à peine perceptible sur la côte. Il aura beau agiter son mouchoir, pleurer, crier, supplier, ils ne le verront même pas. Ils passeront indifférents, ils continueront leur route vers ces merveilleux pays dont parlent les vieux marins aux veillées, les pays où le soleil splendide ne se cache jamais derrière les nuages noirs, où les rochers sont de corail rose comme les colliers des femmes riches, où les fleurs de l'air se balancent entre les lianes flottantes, où les oiseaux, pas plus grands que des mouches, brillants comme des pierreries, volent autour de vous, à s'en aller ainsi de vague en vague, sur cette mer si aimée et si belle. Laissez derrière soi tout ce qui est laid, tout ce qui est méchant, tout ce qui est lâche, tout ce qui attriste, dégoûte et fait souffrir. Voguez vers l'inconnu, vers ce qui doit être le bonheur. Non, non, il ne faut pas regarder par là. Tout ensuite semble plus sombre, plus terne, plus vilain. La route à la bonheur, elle est si vivante, si variée. Elle lui réserve parfois de si charmantes surprises. Elle lui apportera peut-être un jour ce qu'il attend. Ce qu'il attend, qu'est-ce donc? Et il n'en sait rien, ou, s'il le sait, cela lui semble trop beau pour y croire. Il se l'avoue à peine à lui-même. Mais enfin, les choses mauvaises ne peuvent durer toujours, n'est-ce pas? Tout change en ce monde avec le temps et la patience. Il l'a observé. Les petits enfants deviennent des hommes, les jeunes gens des vieillards. Après la tempête, le calme. Après l'hiver, le printemps. Donc fermement, il attend. C'est l'été, surtout que la route est amusante. On ne voit alors que cavalier vêtu de flanelle blanche, que belle dame en habit bien ajusté, à chapeau d'homme, toute raide sur leurs chevaux luisants, ou à bicyclette, la jupe envolée au vent, précédée ou suivie de leurs enfants, de leurs maris. Automobile bruyante, aussitôt passée qu'aperçue, portant des êtres étranges, informes, cachés derrière des masques, laissant derrière elle un tourbillon de poussière blanche et une odeur âcre. Machines à perdition inventées par le diable, disent les vieilles gens du village, et dont il faut se garer du plus loin qu'on les voit. Chars à bancs démodés et mal suspendus, omnibus paisibles, voitures aux rideaux de toile rayée, d'étain, bondées de baigneurs aux toilettes claires, d'enfants aux joues roses qui rient en le regardant et semblent heureux. Ils ont des manières polies et aimables. Ils ne crient pas en parlant, ces gens-là, malgré leur joie. Raymond aime à les observer. Il suit les équipages quand ils ralentissent le pas pour monter la côte et surprend des fragments de conversation qui le plongent dans des rêveries sans fin. Des mots lui font battre le cœur. « Voyons, mon chéri, » disait une fois une voix très douce, « ne le penche donc pas ainsi, tu pourrais tomber. » Chose étrange, le petit garçon à qui l'on témoignait cette tendre sollicitude, au lieu d'en être reconnaissant, en paraissait impatienté. Il ne se souvient pas, lui, qu'on ait jamais tremblé pour sa vie, que personne se soit inquiété de ce qu'il peut faire ou ne pas faire, qu'on lui ait jamais parlé en l'appelant « mon chéri ». Combien cela doit être bon? Il est libre et détaché, comme cette feuille sèche que le vent pousse devant lui, et captif, comme celle que la gent sauvage retient dans ses piquants. Un jour de la fin d'août, pourtant, il a cru que son rêve se réalisait, que ce quelque chose qu'il attendait était enfin venu. Une voiture de forme étrange, traînée par un âne gris et une jument poussive, avait paru au bas du chemin. C'était comme une vieille petite maison de bois qui aurait eu des roues. Raymond n'en avait jamais vu de semblable. Intrigué, il s'était mis à courir pour la contempler de plus près. Dessous, bercé dans une espèce de hamac de planches, un vieux chien jaune dormait. Les bêtes allaient sans qu'on s'occupât d'elles. Arrivé à l'entrée du village, à l'endroit où, après le temple, contre la fontaine, le gros noyer fait une ombre si épaisse, un homme qu'on ne voyait pas avait crié quelque chose de la voiture. Aussitôt, jument et âne s'étaient arrêtés. Le chien, quittant à regret sa couche, avait été à la porte de la roulotte recevoir un garçon de 12 ans, noir et maigre comme un grillon, qui s'était mis à dételer aussitôt. Après lui descendait un vieillard sec, le visage tanné qui donnait des ordres, dans une langue étrange et dure, à quelqu'un resté à l'intérieur. Les gamins s'étaient groupés et regardaient de tous leurs yeux. « Quoi donc là-dedans ?» répondait de cette voix chantante. « D'où venaient ces grognements et ces bruits de chaînes remuées ?»« Tiens, des ours !»« Oui, deux gros ours bruns en vie !» L'un après l'autre, au commandement impatienté du maître, ils descendaient pesamment. Après eux, une jeune fille de 18 ans sautait vivement à terre. Ses cheveux, de la couleur de la châtaigne mûre, ternes et rudes comme le chaume, étaient partagés au milieu du front et s'en allaient en deux nattes serrées, entourées une petite oreille, pâle comme un bijou d'ivoire. Une vieille blouse de coton, d'un rouge déteint, cachait mal son buste hardi et plein. Un mouchoir jaune entourait son cou long et souple. Une jupe d'une nuance brunâtre indécise tombait trop courte de ses hanches rondes, laissant à découvert des chevilles fines, un pied mince et nerveux. En un clin d'œil, tandis que le vieux bonhomme, profitant de la foule curieuse amassée autour de lui, faisait danser les animaux, elle installait un trépied et une marmite, allumait le feu en chantonnant. Qu'elle était belle, jamais Raymond n'avait vu, même parmi les grandes dames qui passent l'été sur la route, un visage aussi lumineux dans sa magnifique pâleur, aussi rayonnant de grâce sauvage, de jeunesse libre et heureuse. Quand il s'échappait avec les autres polissons, tout honteux de n'avoir pas le sou que le vieux réclamait pour le prix du spectacle, il lui semblait être suivi par les grands yeux sombres, et voir le rire moqueur qui retroussait sur ses dents étincelante comme l'écume qui borde les rochers, les jolies lèvres rouges comme la graine de l'herbe à serpent. Il avait vite mangé sa soupe pour retourner auprès d'elle. Étendue à l'ombre, elle dormait, sa petite main hâlée cachant à moitié son fin visage bistré. Les ours, couchés en tas sous la voiture, sommeillaient aussi auprès du chien. Les hommes étaient dans la roulotte. Au bruit de ses pas, la jeune fille s'était réveillée. Elle avait souri en le reconnaissant et d'un signe l'appelait auprès d'elle. « D'où viens-tu » osait-elle demander, rassurée par la rusticité de la pauvresse. « Très loin, roussie, » et elle faisait gentiment rouler l'air, en retroussant ses lèvres pures. « Où vas-tu » « Là-bas, partout. » Et sa main montrait l'horizon sans bornes. « Je veux aller avec toi, » s'était-il écrié, transporté. « Je ferai la cuisine pour toi, j'irai puiser l'eau, ramasser le bois, j'allumerai le feu. »« Nous, pauvres, » avait-elle répondu, redevenant très grave, et secouant la tête énergiquement, « pain pour trois. » Et elle montrait trois de ses doigts, effilés. « Pas pour quatre. » Elle enlevait un autre. « Nous partir, toi rester ici et travailler pour manger. » À ce moment, l'homme était sorti de la maison roulante. Sur son ordre bref, en un rien de temps, les ours étaient rentrés. Les bêtes attelées, le sol nettoyé, et la voiture disparaissait, emportant la vision radieuse. Seule une petite place noire, fumante, sous le noyer, prouvait à l'enfant qu'il n'avait pas rêvé. Raymond y pensait sans cesse. Reviendrait-elle jamais, la belle étrangère? Ah, s'en aller comme elle! Eh bien, nourrisson, cria une voix aigrelette, que fais-tu là? Tu ne vas donc pas manger la soupe? Le petit sauta vivement sur la route. Ah, c'est toi, la sèche, tu m'as fait peur. Le patron est au roche et ne rentrera pas avant 1 heure. Faut l'attendre. Et toi, où donc que tu vas? Moi, ça ne biche guère chez nous. L'argent des vendanges a filé à acheter des chaussures pour la vieille et un pantalon pour moi. Pas une fichue croûte de pain pour faire une frottée à l'ail aujourd'hui. Je vais voir si je trouve des chancres à la conche. Ça fera pas un réveillon bien épatant pour cette nuit, mais enfin ça vaudra mieux que rien. Viens-tu avec moi? J'en avais pris un plein paillot, panier de bois. Il y a 2 jours de chancres, mesdames. Ils sont finis, il faut recommencer. Et cette matine de mer qui perd presque pas, elle se fiche du pauvre monde. Impossible de prendre des moules et des huîtres. Et les jambes, espèce de mollusque à coquille conique incrustée dans les rochers. Compte là-dessus, mon bonhomme, il n'y en a pas. Les gens s'y jettent tous après. Avec ça, la vieille a plus de ce travail, rapport à son âge. Elle courir sur ses 78 ans, sans qu'il y paraisse, la pauvre. On ne la veut plus nulle part pour gringonner, nettoyer. Alors quoi, moi je fais des courses, je vas en ville chercher des provisions, pour ceux qui veulent pas se déranger. Mais depuis que les baigneurs ont déguerpi, il n'y a plus rien à faire. Tout le monde a de tout, c'est un sale métier tout de même. Mais attends un peu que je vienne grand. Qu'est-ce que tu feras? Tu le sais ben, je partirai mousse. Et ta grand-mère? La commune s'en chargera. Tiens, faudra ben alors. Pauvre vieille, je pourrais pourtant pas l'amener, la mettre dans ma poche comme mon mouchoir. Viens-t'en, allons. Et les vaches? Elles ont pas besoin de toi pour les regarder boulotter, je pense. Et puis t'as blaireau pour les garder. Mais s'il me suivra et les bêtes s'en iront encore dans le champ du père Brodin et la Poupin me cognera comme la dernière fois. Ah, Watt, tu n'as qu'à lancer des pierres à ton chien s'il veut faire le crampon. Et puis moi, la mère Poupin, si j'étais à ta place, ce que je la balancerais. Comment? Ben, je l'enverrais paître avec ses bêtes. Une femme laide comme une chenille et méchante comme un âne rouge. Mais non, elle n'est pas tant vilaine que cela. Et des fois, elle est bonne. Et puis, c'est ma nourrice, je l'aime bien, moi. Je ne veux pas qu'on médise. Elle m'a gardé, tu sais. Je crois ben, pour te faire faire la besogne du beau Nestor, le prince héritier, au nez camard, qui a des cheveux comme des baguettes de tambour. Elle me nourrit, m'habille. Elle ne te laisse pas tout à fait mourir de faim, faut être juste, et t'empêche de crever de froid grâce au frusque râpé du dit avorton. Mais je ne lui suis rien, moi, pense donc, et je coûte à élever. Ah, nom d'une peau bleue, si ça ne fait pas suer. Il ne manquerait plus que cela cale te flanqua à la porte, comme un chien. Et puis, pas si bête, ne lui sers-tu pas de domestique? Et un domestique qu'elle paye même pas, et qui ne peut pas la planter là si elle l'embête. Dame, c'est quelque chose, ça, ça vaut ben le lard rance et les patates gelées qu'elle te donne. Sais-tu que tu devrais faire, toi? Quand je partirai mousse, faudra t'en venir avec moi. Ah oui, je veux bien, mais quand? Le grand bidard, tu sais, qui est noir comme une taupe et qui a deux dents cassées devant, que même c'est très commode pour tenir la pipe. Il connaissait mon père. Ils ont fait quasiment le tour du monde ensemble. Il me prendra sur son bateau dans 2 ans. J'en aurai 14. Faut ça pour être assez fort. Je suis trop plat encore, paraît. Je filerai entre les planches. C'est vrai que c'est pas le fricot que je mange qui me gonfle. Toi, t'es plus rembourré que moi, ça fera rien que tu sois pas si vieux. Est-ce qu'on rigolera, nous deux? 2 ans. Attendre encore 2 ans, murmura Raymond en soupirant. Il fixait son regard sur le visage blême en lame de couteau, sur les petits yeux perçants et verts de son ami, pour voir s'il disait vrai. Il le suivait distraitement. Il pensait à cet avenir si tentant mais si lointain sur la mer attirante. Ah, pourquoi ne pouvait-il pas s'élancer tout de suite vers cet inconnu tant désiré? Ils étaient arrivés à la plage, grimpés sur les rochers que la mer abandonnait peu à peu. Ils fouillaient les lagottes du bout de leurs bâtons pointus. Les crabes peureux se cachaient hâtivement sous les pierres, mais les enfants habiles à les découvrir, tout gris entre les fentes grises, emplissaient le baillot. « Dis-moi, c'est-il bien dur les premiers temps qu'on émousse ?» demanda Raymond. « Pour sûr, bonnes gens, qu'on n'est pas couché sur de la plume et qu'on ne vous sert pas votre chocolat tout chaud dans votre lit. Matin, comme ces flemmards de baigneurs qui étaient près de chez nous. Cet été en v'là un beau. Tiens, trappe-le donc. Il s'en vient vers toi. Ah, le singe, le voilà à sauver. Mazette, va. Par exemple, faut pas avoir des rhumatismes, ni une asiatique. Faut savoir grimper au mât comme les chats aux arbres. Moi, ça me va. Et moi aussi, je suis leste. Et puis, il y a la noyade. La noyade. Oui, ou le baptême, comme tu voudras. Histoire de vous faire faire connaissance avec la mer. Les matelots vous attachent par le milieu du corps avec un bon câble et vous jettent à l'eau comme un harpon. Débrouille-toi, mon petit. De temps en temps, le patron tire la corde. La soupe est-elle trop salée, qui demande? Si vous avez la frousse, il vous laisse mijoter plus longtemps. Sinon, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes environ, il vous tire. Quand on a ainsi bu 5 ou 6 fois à la grande marmite, on sait nager, si on n'est pas une andouille. Le chien danse et qu'il y a les requins qui vous avalent comme une pistache. Lorsqu'on veut vous ramener à bord, ni vu ni connu, mon ami, il n'y a plus rien au bout du film. Seulement sur la mer, tout juste un peu de rouge. Mais c'est rare pourtant. Il ne disparaît guère plus de 20 sur 100 de ceux qui vont à l'eau. Mais quoi, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pige-moi ce gros père. Et puis il y a les 80 qui se tirent d'affaire. On peut être de ceux-là. Le plus fichant pour moi, c'est la peau bleue. Ah, par exemple, j'en aurais peur. Oh, le sacripant, il m'a échappé. La peau bleue, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est un poisson quasiment grand comme un requin, et qu'on ne voit pas parce qu'il est couleur de la mer. Paraît même qu'il est très joli, l'animal. N'empêche que j'ai pas envie de faire sa connaissance. Il aime de préférence la viande des mousses, qui pèse moins sur l'estomac, et quand il voit un bateau, il le suit sournoisement. Car à celui qui tombe dans l'eau alors, il passera de vous. Vous ne le voyez pas, il vous déguste une jambe, ou deux, ou un bras. Vous ne sentez rien, ça saigne même pas, tant c'est proprement fait. On vous tire, adieu mes bourgeois. Impossible de danser un bal de Saint-Onge, vous n'êtes plus qu'un mognon. Ah, c'est-il vrai cela? Vrai comme j'ai mangé du chat crevé tout cru avec son poil, un jour que j'avais l'estomac dans les talons. Pas possible. Oui, mon fils, t'as pas besoin de frissonner et de me regarder comme si j'allais t'avaler, toi aussi comme le chat. Mais pauvre innocent, tout cela n'est rien à côté de ce qui vous attend quand vous êtes matelot. C'est alors que ça devient chouette. Faut pas faire le délicat et tourner le museau quand le menu ne vous convient pas. Faut savoir se boucher le nez et croquer dur, ou ben se serrer le ventre. Faut avoir peur ni des coups de canon, ni des peaux bleues, ni de la tempête, ni des sauvages qui vous enlèvent le cuir du crâne. Comme moi, je t'ouvre cette huître, afin de se faire des fourrures avec votre perruque. C'est pas la peine de prendre ces petits, y a rien dedans, faut les laisser devenir gros. Toi, tu seras jamais un loup de mer, t'as pas de courage, tu vois la pole comme un Christ déjà. Oh, je n'ai pas peur de ça, mais les vaches, regarde, voilà Blaireau. Il les a lâchées. N'entends-tu pas qu'on m'appelle? Il me semble que c'est Nestor. Une voix criarde arrivait jusqu'à eux, malgré le bruit des vagues. Raymond, grand paresseux, où es-tu? Et un enfant de 10 ans parut, tout essoufflé sur la falaise, entre les yeux couchés par le vent du large. Ah, c'est le dauphin, dit la Seiche. Attends un peu, je m'en vais lui faire son affaire pour lui apprendre à venir nous moucharder jusqu'ici. Qu'il reste dans ses champs, le terrien. Sur la plage, je suis chez moi. Je viens, cria Raymond. Et ils montaient rapidement la côte, lorsqu'un galet, adroitement lancé, atteignit Nestor au front et lui fit une petite blessure. Il poussa un juron retentissant, le sang coula. Le nourrisson était atterré. Certes, il n'aimait pas le méchant garnement, faux et cruel, qui le faisait punir sans cesse, l'humiliait, le traitait de mendiant, lui rappelait 20 fois par jour qu'il n'était qu'un enfant abandonné par une femme inconnue et oublié sans doute par elle. Ah, comme il lui faisait méchamment sentir sa supériorité de fils de la maison, d'enfant légitime, aimé, choyé, ayant du bien, une famille, un avenir assuré. Oui, Nestor n'avait que ce qu'il méritait, le lâche. Mais sa mère, mais la Poupin, il l'aimait, elle, bien qu'il la redoutât. Lorsque tout allait à souhait et qu'ils étaient seuls tous deux, elle lui disait parfois une bonne parole. Elle était l'unique être au monde, l'unique lien auquel sa petite âme d'enfant solitaire put se rattacher. Que penserait-elle de lui? Je le dirai à maman, tel était l'éternel refrain de Nestor, dès que le pauvre petit se révoltait et cherchait à secouer le joug. Et ce qu'il disait à maman était toujours si odieux, si outrageusement faux, que Raymond était pris pour lui d'une aversion invincible. Oh, ne pas pouvoir seulement le convaincre de mensonge, le vilain traître! Mais on le croyait toujours lui, le fils, et l'étranger jamais. Ces sangsues-là, disait le père nourricier, ne se servent de leur langue que pour tirer le sang des veines et pour mentir. Raymond trouva son frère de lait en train d'étancher sa coupure avec son mouchoir malpropre. Blême, les lèvres serrées, il ne dit rien d'abord, mais ses petits yeux noirs, luisants et comme pointus dans son plat visage sans couleur, avaient un air de triomphe insupportable. Ce n'est pas moi, murmura le pauvre garçon. Non, c'est moi peut-être. C'est pas toi non plus qui as quitté les vaches pour t'en aller courailler avec ce vaurien de la Seiche, n'est-ce pas? Que même elles sont entrées dans le champ à Bredin, comme la semaine dernière. T'as bien gagné ta journée, ton affaire est bonne, ma fine. T'avais donc oublié que c'est la veillée de Noël ce soir? Même que la mère a acheté quelque chose pour mettre dans ton sabot. Ce sera pour moi cette année encore, comme l'année dernière, mon drôle. C'était un beau couteau, je l'ai vu dans le tiroir du buffet. Ça m'ira joliment bas. Juste que j'ai perdu le mien hier. Raymond pâlit. Ce couteau, il le désirait tant, et depuis si longtemps. La Poupin le lui promettait toujours s'il était sage. Pour le gagner, il avait travaillé avec courage tout l'été. Mais c'est pas moi qui ai jeté le caillou, tu le sais bien, puisque je m'en venais vers toi et que le coup est parti d'en bas. J'en sais rien, j'ai vu que toi, tu paieras pour les deux. Allons, avance. Éloi, ce soir au réveillon, t'en auras pas. Et moi j'en aurai jusque-là, ton morceau et le mien, pardine. Cela te fait bisquer, hein, ventre vide. Raymond était pâle d'indignation. Garde le couteau et mange toute l'oie si tu veux, dit-il. Mais ne dis pas des menteries, ne dis pas que c'est moi qui t'ai lancé le caillou. Ta mère croira que je suis un mauvais cœur, ce qui n'est pas vrai. Et le père te caressera l'échine à coups de trique. C'est cela qui te fait peur, surtout, avoue-le. Bah, une petite bastonnade rabattra un peu ton caquet, défrisera ta belle perruque, te fera maigrir, car dans mon jet te profite que tu sois rond et plein comme un baraquo. Les enfants approchaient de la maison, longue bâtisse à un étage, dont les 4 fenêtres et la porte s'ouvraient sur un jardin potager, où, entre des carreaux de légumes, se dressaient quelques tiges de soleil, brûlées par la gelée. Une plaibande de violettes longeait le mur badigeonné de jaune pâle. Un cep de vigne s'étendait en tonnelle au-dessus de la porte, servant d'abri en été à la cuve pour la lessive. Les tables s'ouvraient dans la cour, de l'autre côté de la maison. Les enfants entrèrent par là. Des poules, des canards mangeaient en quelque temps le grain qu'on venait de leur lancer, tandis que Blaireau, paisible et la conscience tranquille, allait s'installer au chaud contre la meule de paille près du fumier. La Poupin venait d'arriver. La petite voiture à bras qui lui servait à porter le lait en ville n'était pas encore remisée. « Te voilà, mauvais sujet, propre à rien !» cria le maître, sortant de l'étable où il venait de ramener les vaches. « C'est ainsi que tu gagnes le pain que tu manges ? Tu vas voir ce soir ce qu'il t'en coûte d'aller te balader sur les conches comme un bourgeois, avec les polissons de ton espèce !» Poupin, furieux, s'approchait de l'enfant qui tremblait, lorsque des cris perçants partis de la maison l'arrêtèrent. « Oh, oh !» hurlait la nourrice, paraissant sur le seuil, la voix changée par l'indignation et la colère. « Oh, le sang court, l'ingrat !» Jamais je n'aurais cru cela de lui. Faut que je le voie de mes quittes yeux pour le croire. Tant de malice à son âge, et contre qui? Contre nos garçons qui a bu le même lait, qui a mangé le même pain que lui, quasiment son frère? Il lui a fendu la tête d'un coup de pierre, le voilà marqué pour la vie. Le gueux attend un peu que je lui fasse passer l'envie de recommencer. Et le paysan, saisissant une fourche qui traînait, allait en frapper Raymond. Mais celui-ci d'un bond fut hors de sa portée. Il se mit à courir de toutes ses forces, suivi du bonhomme qui jurait et de Nestor, qui, subitement guéri, s'élançait de son côté. Il eût été pris si brusquement, il l'avait tourné court. En quelque enjambée, il disparut derrière la maison, grimpa lestement le long du cep de vigne, entra par une fenêtre et se trouva dans le grenier à fourrage. Il se blottit dans le foin et, immobile, le cœur battant, il attendit. Par la trappe de l'étable, restée ouverte, il entendait tout ce qui se disait en bas. « Où peut-il ben être passé ?» s'écria la Poupin, soudain alarmée. « Pourvu qu'il n'ait pas été se jeter dans le puits. Il a la tête près du bonnet, le drôle. Ces mauvaises graines-là qui viennent d'on ne sait où, ça a souvent des idées, pas comme les autres. Bah, il n'y a pas de danger, il est ben trop capon pour se détruire. Et puis après, tant mieux, bon débarras. De cette espèce-là, il y a toujours assez. » « Oh, comment peux-tu dire? C'est pas chrétien, cela. Faut jamais souhaiter la mort de personne, ça porte malheur. Et ensuite, puis tu n'y penses pas, quelle affaire? Jaserait-on assez dans le village? En ferait-on des potins, bonnes gens? La gendarmerie viendrait mettre son nez partout par ici. On nous accuserait d'avoir fait disparaître l'enfant. On nous fourrerait en prison, qui sait? Et tout de même, vrai pauvre petit, faudrait pas. Un caillou est vite parti. » Mais d'un, à son âge, en a fait autant. Il peut ben s'ennuyer, après tout, d'être pas comme les autres. Pauvre petit, en effet, qui mange le bien d'une autre, qui devient gras des morceaux qu'il lui prend, qu'a même voulu me le tuer. T'as ben de la compassion à perdre ma fine. Garde-la pour ceux qui en sont plus méritants. C'est un vaurien, une canaille, un criminel que je te dis. J'en ai assez de sa tête de mouton frisé, de ses yeux qui ont toujours l'air de vous reprocher quelque chose. Quoi, je vous le demande? T'as voulu le garder, v'là ta récompense. Ah, elle est jolie. Il travaille pourtant, ben. Manquerait plus que ça qui ne fiche à rien. Et nous, nous nous tournons les pouces, peut-être? Si t'allais seulement un peu voir Augustin, tout de même. Augustin s'en alla en grognant, et lentement se dirigea vers le puits qui se trouvait auprès des carreaux de légumes, du côté de la maison par lequel l'enfant avait disparu. Tu m'as dérangé pour rien, dit-il en revenant de mauvaise humeur. De cette fois, il n'est pas naillé. Il a seulement décampé, bon voyage, s'il pouvait ne jamais revenir. L'enfant écoutait, palpitant. Qu'allait répondre la Poupin? Elle ne dit rien. Ils passèrent dans la cuisine et Raymond entendit le bruit des cuillères dans les assiettes de soupe. Il avait faim, mais il ne songeait guère à manger. Quelque chose lui serrait la gorge à l'étouffer. Il sortit sa tête de dessous le foin, une tête très pâle, où des yeux clairs brillaient, hagard dans l'obscurité. Alors c'était vrai, vrai de vrai, on en avait assez de lui. Son père nourricier et Nestor le détestaient. Il le savait depuis longtemps. Ne lui répétait-il pas toujours les mêmes humiliantes paroles? Qu'il leur était à charge, qu'il mangeait plus qu'il ne travaillait, mais sa nourrice jusqu'ici le défendait faiblement. Aujourd'hui, elle l'abandonnait. Ce qui l'avait ému d'abord, ce n'était pas la peur qu'il fût noyé. C'était la crainte des ennuis qui résulteraient de sa mort, le bruit, les gendarmes, les fouilles dans la maison. Débarrassée de ce souci, elle acceptait l'idée qu'il ne reviendrait pas, et tranquillement prenait sa soupe, comme si sa vie, à lui, ne venait pas d'être arrachée. Ah, comme il l'aimait pourtant cette ingrate, cette cruelle, qui, après l'avoir si longtemps protégé, le laissait s'éloigner sans un regret, sans un mot de rappel. Tant de liens rattachés à elle, il se souvenait de telles caresses qu'elle lui avait faites dans son enfance, de telle intonation plus douce de sa rude voix, qui lui avait délicieusement dilaté le cœur. Il se disait parfois, en regardant sa figure grossière et hâlée, sous la sévère kiss-note noire, « C'est vrai pourtant, je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni oncle, ni tante, ni cousin, ni cousine comme les autres, mais j'ai ma nounou. Ce sont ses bras qui me portaient quand j'étais trop petit pour marcher, c'est sur cette poitrine que j'étais bercé, que je m'endormais, c'est son lait qui m'a nourri. Elle pouvait me mettre dehors, m'abandonner, elle ne l'a pas fait, elle est bonne. » Et il trouvait je ne sais quel charme à ce visage si dur pourtant. Elle était pour lui, à défaut d'une autre, meilleure et plus chère, celle auquel l'être jeune a besoin de rattacher sa vie, le rameau qui porte le bouton naissant, la direction, la protection, l'abri. Et il fallait s'éloigner d'elle. S'il avait pu la voir se levant hâtivement pour cacher son assiette presque pleine et essuyant une larme du revers de sa rude main. Oui, il fallait partir puisqu'il avait assez de lui. Quelque chose de plus fort que toutes les raisons le décidait brusquement. Mais où irait-il? La bohémienne l'avait repoussé. Il était trop jeune pour être mousse, trop faible pour se placer comme domestique. Partout, hélas, encore il mangerait plus qu'il ne travaillerait. Partout, il serait un fardeau. Qui donc l'aimait dans ce monde si grand, lui, si petit? Blaireau, peut-être, et encore. Justement, un froissement dans le foin lui apprit que le chien le cherchait. Il s'approcha, bondit vers lui, la queue frétillante, la langue pendante de plaisir. Il le regardait de ses bons yeux d'or, phosphorescents dans l'obscurité. Il allait japper, comme pour lui demander ce qu'il faisait là, à jouer tout seul sans avertir les camarades, au lieu d'aller à la soupe comme les autres. Mais l'enfant lui dit à voix basse, « Tais-toi, blaireau, on veut me battre, tu me ferais prendre. » Le chien se tut, et comprenant que son ami avait du chagrin, se mit à lécher sa main tendrement. Raymond entoura de ses bras le corps frémissant de la bonne bête, y appuya sa tête brûlante et éclata en sanglots. Ah, où aller? Où aller? L'instituteur qui l'aimait tant autrefois, quand il était son élève docile et appliqué, ne lui rendait plus son salut, depuis le jour où Nestor avait faussement accusé son frère de lait d'avoir mangé les belles pêches gardées avec tant de soin dans l'espalier du jardin de l'école. « Qui a fait le coup ?» avait demandé le maître, de sa grosse voix qui imposait le respect à la bande indisciplinée. « Ce doit être le nourrisson de la Poupin, » avait dit quelqu'un. « C'est lui, » affirma Nestor, « je l'ai vu, il était avec la Sèche. » Ce nom de la Sèche, larron fiéfé que Raymond avait le tort d'avoir pour ami, avait décidé l'opinion contre lui. Et puis, d'après la logique humaine, si injuste souvent, le menteur et le voleur devaient être le petit pauvre, élevé par charité, envieux, par conséquent, et non pas un de ses enfants heureux et choyés. Raymond avait eu beau protester, on ne l'avait même pas écouté. Le maître avait ajouté tristement, « Je n'aurais jamais cru cela de toi, mon enfant, et n'en avait plus reparlé. » Mais le pauvre garçon gardait au cœur un chagrin autrement cuisant que s'il avait été puni. Une rancune lui était restée de se voir injustement accusé, sans qu'il lui fût seulement permis de se défendre. Il en voulait à ses camarades, à ses heureux gaillards, qui tous avaient une maison, une maman, un nom, qui n'était le nourrisson de personne. D'ailleurs, bientôt, à son grand regret, il n'allait plus à l'école dont il aimait la vaste classe aérée, claire, ornée de gravures pour les leçons de choses et de grandes cartes de géographie, où il cherchait les magiques noms des merles lointaines qu'il parcourrait un jour. Il n'avait plus la fierté, lorsqu'il avait bien travaillé et accompagné le maître dans la salle de la mairie, sorte de cuisine carrelée, dont les murs blanchis à la chaux étaient cachés par les casiers en planches des registres, où, sur la vaste cheminée, trônait un buste en plâtre de la République au-dessous d'un portrait de M. Carnot. Alors, de plus en plus, il s'était lié avec Jules Nourry, surnommé La Sèche, à cause de sa maigreur extrême, un vaurien sûrement, mais un malheureux comme lui. Il était bon au moins, celui-là. Il ne l'appelait pas de noms infamants. Resté seul d'une famille de pêcheurs, avec sa vieille grand-mère qu'il adorait, il avait lui aussi quitté de bonne heure l'école pour gagner son pain. Il travaillait lorsqu'il trouvait de l'ouvrage, faisant tous les métiers, pêchant et même chopant, comme il disait de ci de là, quand il n'y avait rien au logis. Plusieurs fois, il avait entraîné Raymond à mal faire. Ensemble, n'avaient-ils pas volé la dinde de monsieur le curé, une belle bête, ma foi, fine et bien en chair, que la vieille Angèle engraissait avec amour pour le réveillon l'année dernière. Depuis lors, le prêtre, si bon jusque-là, lui gardait rancune. Ce nourrisson de la Poupin, avec sa ligure de chérubin, m'a bien trompé, disait-il en secouant sa tête grisonnante. Il tournera mal. Bon chien, chasse de race, mauvais chien, vol d'instinct. Certes, le pauvre petit n'avait pas mangé un seul morceau de la bonne dinde, mais la grand-mère s'en était régalée 8 jours durant. Et comme disait son ami, autant valait qu'elle fût dans sa vieille carcasse que dans la grosse panse à monsieur le curé. Raymond trouvait ce raisonnement très juste et n'avait aucun remords de sa mauvaise action.